Bonjour à tous, je ne sais pas quel âge vous aviez pendant la Coupe du Monde 1998, mais à l'époque, M6 avait pris le contre-pied à tout le monde en se déclarant la chaîne 0% foot, attirant donc très astucieusement tous les gens qui, comme nous, n'en peuvent déjà plus de parler de ballon rond, de schéma tactique et de pourquoi Griezmann est meilleur dans les pubs que sur le terrain. On vous promet donc ici un sanctuaire loin de toute considération footballistique, ou du moins, on va essayer de tenir le plus longtemps possible. Mais sérieusement, Oumtiti, pourquoi t'as levé la main comme ça, là? Il y avait Varane juste derrière toi qui était prêt à dégager. On s'est pris un vieux péno à cause de toi. Et on a failli faire match nul contre des surfeurs. Bon, on n'aura pas tenu longtemps. Mais sinon, vous êtes bien dans le podcast de la critique du cinéma, vu par des scénaristes. Bienvenue dans C'est quoi le pitch, épisode 7. Aujourd'hui, un programme très polythéiste, puisque nous rendons hommage à Allah avec Opération Beyrouth. On fera un coucou amical à notre Seigneur Jésus via Jurassic World 2. Et on finira par rendre visite à Brahma, Shiva, Vishnu et 30 000 autres dieux en parlant de l'extraordinaire voyage du fakir. C'est Guillaume au micro, et pour débattre de tous ces films, j'ai autour de la table ma petite équipe de prosélytistes acharnés, à savoir Fiona, Rumix, Armand, Sarah... Éclair. Mais avant tout ça, oh joie, oh bonheur, oh félicité absolue, la persévérance finit toujours par payer. Nous avons enfin des courriers de lecteurs. Et oui, la page Facebook a fait son œuvre. Nous avons donc un message de Benjamin qui nous parle de Deadpool 2. Il a trouvé qu'on était un peu gentil en ce qui concerne le quatrième mur en disant, je cite, « Le premier film utilisait le quatrième mur pour désigner les scénaristes comme les vrais héros du film. Celui-là s'en sert pour les excuser slash les dédouaner. Je dirais que ça traduit d'une certaine paresse. » Il a aussi été étonné qu'aucun de nous n'ait relevé que finalement la morale est très convenue pour un film qui se dit subversif. C'est pas faux. On a aussi reçu un autre message, donc si vous tenez compte ça fait deux. C'est notre record à battre, d'un certain Adam qui n'est pas d'accord avec moi et nous dit que l'histoire des pédophiles dans ce même Deadpool est juste une blague. Bien, merci Adam pour ce message, mais tu as tort. Bon, donc merci beaucoup pour ces messages et on vous rappelle que vous pouvez nous écrire sur notre page Facebook C'est quoi le pitch. Une dernière chose avant de commencer, on vous rappelle que ce podcast est 100% spoil et que chaque intervenant ayant le malheur de dire le mot truc entendra cette sonnerie et se verra retirer la parole immédiatement. On commence avec Jurassic World Fallen Kingdom, écrit par Derek Connolly et Colin Trevorrow, qui sont en train d'écrire le Star Wars épisode 9. C'est pour vous dire dans quelle merde on est. Et c'est Fiona qui nous le pitch. Après que les hommes ont ramené les dinosaures à la vie, et puis se sont rendus compte que c'était étonnamment dangereux, les dinosaures vivent loin de la civilisation, en liberté sur une île déserte au-dessus de laquelle même les ptérodactyles volent sagement sans penser à s'en éloigner. Tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes, mais voilà que ces grosses bébêtes risquent de s'éteindre à nouveau, car le volcan de l'île va bientôt entrer en éruption. Alors que la majorité sensée de la population se dit bon débarras, une bande de vegan bobos milite pour la protection et surtout la survie des dinosaures. En collaboration avec les équipes de Benjamin Lockwood, ami de feu John Hammond, le fondateur du parc, Claire et Owen, qui bossaient dans le parc avant que ça parte en sucette, partent en mission secrète d'exfiltration des dinos pour les transférer dans un sanctuaire où ils pourront vivre librement. Aller sur une île où un volcan menace d'entrer en éruption pour capturer en douce des dinosaures avec l'aide d'une équipe de patibulaires lourdement armés aux têtes de gros méchants babos, riche idée. Une fois sur place, le volcan pète et l'équipe de patibulaires s'avère être payée par l'associé Véro de Lockwood pour capturer les dinosaures afin de les vendre aux enchères en tant qu'armes militaires. Oh, quelle surprise! Claire et Owen se retrouvent donc dans le manoir de Lockwood où les dinosaures vont défiler dans la Fashion Week du dino en même temps qu'un dinosaure génétiquement modifié, super intelligent, incroyablement dangereux et ayant visiblement suivi une formation d'acteur studio dont il se sert pour jouer avec sa nourriture avant de l'avaler. Owen et Claire tentent d'empêcher cette vente en libérant un dinosaure sur la foule d'acheteurs du monde entier. Au moins ça fera des héritiers heureux. Dans cette tâche, ils sont aidés, ou plutôt gênés, par la petite fille de Lockwood qui est en fait un clone de sa fille morte. What ? Mais on s'en fout pas mal, sauf que cette petite fille, en apprenant sa vraie nature, se sent subitement liée au destin des dinosaures et plutôt que de les voir crever, décide de les libérer dans le vrai monde. Parce qu'après tout, qu'est-ce qu'on risque à cohabiter avec des dinosaures ? Oui, alors... le problème c'est que tout ce que j'ai de bien à dire de ce film ne concerne pas le scénario. Donc je vais aller très vite. Chris Pratt a une classe monstrueuse, faut être honnête. Je trouve que son duo marche plutôt bien avec le héros Chris Pratt. Non, Sarah, ça va. Pour commencer, non, je vais pas bâcher ce film, mais c'est vrai que je l'ai trouvé pas réussi, pour faire un euphémisme, parce que je trouve que les héros, tu dis qu'il a la classe, bah je sais pas, moi je trouve qu'ils sont extrêmement lisses en fait, ça m'a beaucoup gênée. Ils ont pas de failles et donc pas d'intérêt du début à la fin du film. Ils évoluent pas. Le seul qui évolue, si tu regardes bien, c'est le gros dinosaure marin. quand même. C'est-à-dire qu'au début, il mange les gens autour de lui, mais à la fin, il faut apprendre à coexister, il ne mange plus les surfeurs. Non, sauf qu'on n'a pas vu son histoire. Oui, je pense que ça n'a rien à voir. Je pense que c'était juste un plan pour faire beau. Oui, Rumix. Ouais, moi je suis complètement d'accord avec Sarah sur le côté lisse des personnages, mais je trouve que c'est même pire que ça, c'est que c'est manichéen à fond. C'est-à-dire que les méchants sont méchants, mais tu le vois à la seconde où ils sont filmés, et les gentils sont gentils. Et tu n'as aucune crainte sur les personnages, parce que tu sais qu'il peut rien leur arriver, la menace dans le film, elle tombe totalement à plat, quoi. Tu n'as jamais peur pour les personnages. Tout est extrêmement prévisible. Oui, mais enfin, ça, c'est le format, évidemment. Tu te doutes bien que les gentils vont s'en sortir. Bah, à la faux, désolé, dans Jurassic Park de Spielberg, il y a des personnages auxquels... Non, mais d'accord, mais il y a des personnages, il y a un peu de surprise. Là, il y a zéro suspense, mais zéro surprise. C'était le premier de la franchise, c'était il y a 20 ans, évidemment. Bah oui, mais je suis désolée. Alors, bah, ça posait la question de... Pourquoi faire ce film ? Ah oui, non, mais c'est une vraie question. Pour moi, fallait pas le faire. Hein. C'était une mauvaise idée, de base. Mais tu peux pas reprocher à dire, oh là là, les gentils s'en sortent. Évidemment que les gentils s'en sortent. Enfin, bah, mais là, ils s'en sortent tous. Il y aurait pu avoir des morts. Mais non, ils s'en sortent absolument. Il y en a tellement. Tous. Il y a un vrai catalogue. Ils auraient pu en tuer un ou deux. Oui, moi, attends. Fiona. Alors, j'ai plutôt pris plaisir à voir ce film parce que je m'attendais à voir exactement ça. Donc, j'avais aucune illusion sur la qualité de ce film. C'était juste des jolies images avec des dinos. Bon, bah voilà, je suis allé voir ça, j'ai vu ça. Et je m'attendais vraiment pas à un scénario qui tient la route. Donc, j'ai été servi finalement. Alors, ceci dit, j'aurais effectivement voulu que certains personnages soient plus en danger. Ça aurait été pas trop compliqué à faire, je pense, donc c'est vraiment dommage. Et j'ai vraiment largement préféré la partie sur l'île, qui dure malheureusement très peu de temps avec le volcan, et au moins c'était plus grandiose, on en avait plus de danger un peu partout. En fait, sur la première partie, je me suis dit, il y a un volcan, il y a des dinos, il y a des militaires, au niveau danger, on est pas mal. Et après, on arrive dans le manoir, où déjà il y a un petit problème de proportion, parce que quand même... C'est assez bizarre, ouais. Il y a des raptors dans les couloirs. Et puis, imaginons un diplodocus coincé dans le manoir. Je comprends même pas comment il... Bon, bref, il doit avoir vraiment une cave extrêmement... Non, ils ont pas de diplodocus. Justement, on les voit, les diplodocus qui meurent. Il y a la seule bonne scène du film. Ouais, ils abandonnent sur le bateau. Quand le bateau s'en va, et on voit le diplodocus qui meurt dans les flammes. C'est vrai. C'était pas mal. C'était assez pas mal. J'ai beaucoup aimé ça. Oui, très bien, oui. Claire, un mot sur ce film ? Oui, en fait, moi, quand j'ai vu ce film, j'ai pensé, quand j'étais petite, j'aimais beaucoup Jurassic Park, et je jouais avec les petits dinosaures, et je racontais des histoires. Et en fait, quand j'ai vu ce film, j'ai eu l'impression de voir une histoire de moi enfant. Non, c'est trop positif, je suis sûre que t'es une histoire. Ouais, exactement. Parce que c'était, comment dire, en fait, tout était complètement puéril, c'est-à-dire les méchants très méchants. Ah, le raptor, on va dire que c'est mon chien, et puis il va m'obéir, il va m'aider, et voilà. Et puis, quand il y a des méchants dinosaures qui me courent après, je vais me cacher sous ma couette, parce que ça fait des belles images pour la bande-annonce. Non, mais là, pareil, typiquement, pourquoi est-ce que la fille s'échappe partout dans le manoir, elle a le monte-charge qui la cachette parfaite. Où est-ce qu'elle va ? Sur son lit. Elle va pas sous son lit. Hein. Mais surtout que elle c'est Spider-Man. Je sais pas si t'as vu comment elle escalade en permanence son manoir. Quoi. Oui, mais non, alors en revanche, on la caractérise. Elle connaît le manoir comme sa poche, mais elle avait pas grillé qu'il y avait des dinosaures dans le sous-sol. Quoi. Ah oui, non, mais là, c'est un endroit accès, je suppose. Enfin, c'est quand même... Arrête de défendre. Non, mais attends, je suis désolé, mais il y a une femme s'est rendue compte après 20 ans que son mari avait enfermé sa fille et qu'il la violait depuis 20 ans dans sa cave. Donc c'est possible. Bon, c'est oui, mais c'était pas Spider-Man. Mais non, mais ça, je peux croire qu'une petite fille, la maison immense, elle peut avoir une salle, c'est quand même assez sécurisé, c'est du matos, c'est pas juste une clé qu'il faut aller trouver, quoi. Je me rappelle plus comment faut rentrer, mais c'est assez compliqué de rentrer dans cette pièce. Enfin, c'est pas le plus gros. Je te mets au défi de justifier toutes les incohérences. Ah non, mais je les ai notées les unes après les autres. Enfin, ce film, pour moi, en termes d'écriture, est une catastrophe. Et je comprends maintenant, Claire, ça a été écrit par un gamin. T'avais quel âge quand t'écrivais ça? Je sais pas, mais je vais avoir 9 ans. Hein, d'accord. C'est Claire qui a écrit le scénario. Ah, c'est toi qui as écrit le scénario. En fait, ils ont trouvé ce que t'as écrit. Mais en fait, c'est comme avec Star Wars, c'est des groupies qui écrivent ça. C'est des gens qui ont notre âge, qui ont grandi avec. Et en fait, ils sont juste en train de jouer les groupies. C'est ridicule, en fait. Enfin, pourtant, le scénariste, c'est quand même Tommy. C'est qui? J'ai noté. Blablabla, bla, bla, c'est Derek Connolly. Ouais, c'est celui du premier. Ah ouais? Non, mais c'est surtout que j'ai l'impression qu'il y a un énorme problème de base, qu'il y a un problème d'objectif. C'est comme disait Fiona dans son pitch, la bande de vegan bobo qui veut sauver les dinosaures. Dès le début, moi, j'étais pas avec eux, en fait. Je me suis déjà, comment ils vont faire? Parce que sauver des dinosaures, tu vas à 3, vas-y, bon courage, quoi. Et surtout, pourquoi faire? Alors que dans l'opus d'avant, t'avais déjà des centaines et des centaines de morts, et tu te dis, à quel moment c'est une bonne idée de vouloir les faire évader de l'île? Ah, si, c'est moi, j'étais pas avec eux. Ah, si, autant, moi, je peux comprendre, Fiona. Alors, je suis pareil. pas en empathie avec les dinosaures parce que bah, c'est dangereux. Et lion aussi, c'est dangereux. Non, mais je pense qu'effectivement, si tu te dis, bon, ben. Ouais, mais si les lions étaient encore moins malléables, qu'on peut dire ça, enfin disciplinables, comment un lion, tu vas être à côté de lui, il va pas t'attaquer. Voilà, un dinosaure, c'est quand même beaucoup plus sauvage. Mais c'est faux. Pareil, justement, c'est ce que je reproche à ce film. On dirait que les dinosaures, c'est des zombies qui ont faim tout le temps. C'est des carnivores. Une fois qu'ils ont faim, là, ils chassent tout le temps. Même quand ils s'enfuient, il y a le volcan qui explose. Et ben quand même, il y a T-Rex. Il prend le temps d'aller chasser et d'aller encore un Deus. Le T-Rex, c'est un Deus, mais c'est devenu un running gag dans ce film. Oui, c'est un running gag. Le T-Rex sauve la vie des personnages tout le temps, quoi. Excuse-moi, non, je t'interromps, juste, Fiona. Juste, du coup, je ne sais plus ce que je voulais dire. Si, ça y est. En fait, ce message des vegan bobos, je me suis dit, au moins, c'est une question intéressante de notre époque, effectivement, de dire, maintenant, ils sont là, c'est des animaux, qu'est-ce qu'on en fait? On les a ramenés à la vie, est-ce qu'on les laisse crever ou pas? Ça dit quelque chose. Ouais. Ça dit quoi? Ça parle d'une époque et ça parle. Oui. Voilà, on peut être avec ce message ou non, mais au moins ça parle de quelque chose d'assez contemporain. Attends, Sarah, ça. Remix. Non, mais moi, je voudrais parler aussi d'une autre question. Je suis d'accord avec toi sur la question de des choses d'actuelles, qu'est-ce qu'on fait de ces animaux et tout. Il y a une autre question que je trouve qui a été totalement balayée et qui était hyper intéressante. Cette question de la création, de cloner les dinosaures pour en faire des espèces d'armes humaines. Pour moi, le film, il commence... ou en tout cas mon intérêt pour le film aurait commencé à la fin. Ouais, comment pareil. On gère la coexistence tout. Mais ce sera le 3. Ce sera le 3, ça, oui, clair. En fait, c'est ça le problème, c'est un film de transition. Et maintenant, on n'a plus, depuis Avengers, etc., on n'a plus que ça, on n'a plus que des films qui sont des films de transition, qui vont amener vers autre chose, parce qu'il faut faire 12 films, parce qu'il faut... Voilà. Et en fait, ça ne raconte plus rien. Et donc, on est dans un huis clos pour des dinosaures, c'est complètement aberrant. Non, mais le problème, c'est que depuis le premier... Jurassic Park, il y a toujours eu le plan des militaires qu'on m'a dit, on va en faire des armes. Mais je vous supplie les mecs, faites-le. Arrêtez que ce soit un projet. Je n'en peux plus qu'à chaque Jurassic Park, et on va piquer les dinosaures pour en faire des armes. Et comment ils ont pu croire, Chris Pratt et la rouquine là, ils arrivent sur l'île pour sauver les dinosaures, comme dirait Camille, vous ne me voyez pas, mais je suis en train de faire des guillemets. Les mecs, ils ont tous des têtes de mercenaires, de dingues, ils sont armés, fait oui, on est là pour les sauver, clin d'œil. Mais bon sang, comment tu peux croire? Ils n'ont pas vu les 5 autres films? Genre, évidemment que les militaires sont là pour les choper et pour les tuer. Enfin, pour en faire des armes. Fiona. Et au-delà de ça, pour le message, j'avais l'impression que les premiers Jurassic Park disaient justement, il faut laisser la nature tranquille et ils ont été décimés, c'est pas pour rien. Enfin, il ne faut pas jouer à Dieu, etc. Et là, ça dit l'inverse, en fait. Ouais, exactement. Donc, pour des groupies, ils n'ont pas bien compris le film qu'ils aimaient tant. Ah, heureusement qu'ils n'ont pas donné le même message, parce que déjà que c'est le même film. Oui, Claire. En fait, c'est tout à fait ce que tu dis. Et à la fin, quand la petite fille, elle dit « Non, mais c'est parce qu'ils sont comme moi. » Non, en fait, toi, tu ne vas pas aller dans la ville et manger les gens, donc ils ne sont absolument pas comme toi. Non, mais ça, c'est vrai. Ça, c'est... Et deuxième remarque, vous avez une technologie qui vous permet de cloner les humains. Franchement, vous avez de quoi vous faire 10 fois plus de blé qu'en faisant des armes avec les dinosaures. Enfin, ouais, mais on ne sait pas à quel point ils en ont chié pour cloner la fille. Peut-être que c'est beaucoup plus compliqué. Ouais, en plus, c'est pas du tout chiant d'avoir des dinosaures comme armes. C'est très logique. Non, mais là, pareil, c'est justement, on va en venir à la fin où la fille libère les dinosaures. Alors, on est censé. On est censé être en empathie avec elle, mais c'est une meurtrière, cette fille. Oui. Enfin, c'est tribunal de l'âme. Mais non, parce qu'il n'y a que les méchants qui meurent et les méchants, ça ne compte pas. Ah oui, je dis pas qu'elle meurt, je dirais qu'elle méritait d'être au tribunal. Oui, mais surtout que ça, en termes de scénario, mais excusez-moi, c'est méga fonctionnel. Ah, je suis clonée. Du coup, je comprends les dinosaures clonés. Enfin, c'est pas du tout exploité. Parce qu'elle vient de le comprendre il y a 2 minutes. Elle vient de le comprendre. Et c'était pas nécessaire en plus, parce qu'on a montré cette gamine comme une petite fille qui adore les dinosaures. Elle adore ça. Et ça aurait pu suffire de dire, mais on va pas laisser mourir, d'avoir cette innocence de dire, on va pas laisser mourir les petits chiens. Voilà. Mm-hmm. Oui, il faut qu'elle dise like me. Ah non. Sur le bouton. Avec la vue sur le bouton. Ouais, j'ai envie de dire, c'était cette scène où les dinosaures ils commencent tous à mourir étouffés. Et franchement, j'étais un peu émue à ce moment-là. Et je me dis, ça aurait été une jolie fin quand même. On aurait fini sur une bonne note. Et mais d'ailleurs, d'où vient ce gaz là qui arrive de n'importe où, qui est tous en train de les tuer? Mais on voit les ficelles de scénario dans ce film. C'est comme le moment où t'as l'espèce de nouveau dinosaure, j'ai oublié comment il s'appelle, qui est en train de choper la rousse là, qui lui plante son. Elle est coincée sous un tronc d'arbre. Il lui plante sa griffe dans la cuisse. Elle est foutue, c'est bon. Eh ben, il préfère courir après la petite rousse. Pour que la petite rousse, la petite gamine. Et puis la gamine, elle va où? En plus, dans son lit. Mais le scénariste, tu vois le travail des scénaristes, tu sors du film toutes les scènes dans ce film. Il y a deux poids deux mesures, c'est-à-dire qu'il faut sauver tous les dinosaures, même les T-Rex et les Raptors, mais alors le dinosaure qu'ils ont créé, qui est apparemment une saloperie, alors lui, this thing cannot get out of here. J'étais là, mais alors les autres, c'est bon. C'est ah oui, open. Mais ça, c'est pas pareil. Oui. Bah, non, non, non, c'est pas la même chose. Est-ce que c'est un faux? Bah oui, c'est un faux. Comme le clone, enfin, on en revient toujours. Mais non, le clone, c'est un vrai. C'est un clone de quelqu'un qui existait. Ça a été créé par l'humain. Mais maintenant, il est là, il est créé. Oui, non, mais tu peux dire, c'est comme toutes les races de chiens qui ont été des croisements qui n'étaient pas naturels. Donc c'est vrai qu'il faudrait tuer tous les chiens et puis garder que les loups si on va par là. Mais moi, mon problème, c'est au-delà de cette leçon étrange, ça aurait pu être jouissif si ça avait été drôle. Et c'est vrai qu'il n'y a pas d'humour. Et si ça avait été, je sais pas, si par exemple le couple nous avait bluffé, s'il y avait eu peut-être une tension sexuelle à un moment, parce qu'ils sont censés. Ils finissent par s'embrasser, mais. Juste, c'est là, ah oui, donc ils ont vécu des épreuves ensemble, donc ils s'embrassent, mais il n'y a pas eu vraiment de rapprochement pendant le film, c'est dommage quoi. Attends, on va finir par quelques incohérences parce que je les ai notées, je n'ai pas noté pour rien. Oui, donc la fille qui libère ça, en plus à la fin il y a Jeff Goldblum qui est là pour cachetonner et qui dit bienvenue, maintenant on a le monde, on est obligé de cohabiter avec eux. Ça ne va pas durer longtemps cette histoire. Il y a 30 dinosaures qui sont sortis, ils ont tous une puce dans le cul pour les choper. Les militaires vont les trouver en deux jours, c'est fini. Hein. Ah, peut-être celui qui est sous l'eau, allez. Et encore, il s'approche des côtes. Mais enfin, en deux jours, c'est réglé. Si le prochain film, il nous sort, il y a une ellipse de 5 ans, il y a des dinosaures partout, c'est juste impossible. Ils vont les tuer en 10 secondes. Mais non, parce qu'il ne faut pas les tuer. Ouais. Alors attends, qu'est-ce que j'ai noté? Il y aura des manifs dans la rue. Ah oui, aussi. Laissez-les manger tranquillement. Vous mangez bien la viande. Excusez-moi, mais enfin, le principe du nouveau dinosaure, c'est ils montrent, ils ont un fusil et ils pointent à laser. Et fait regarder si je pointe le laser là sur la cible et j'appuie sur un bouton, ça fait du son et le dinosaure va jeter. Si t'es assez près de ta cible pour lui pointer un laser sur le torse, tire avec ta mitraille. Tu n'as pas besoin d'un dinosaure à 60 millions de dollars pour le tuer. C'est non. Voilà. Qu'est-ce que j'ai noté d'autre? Parce que j'ai noté effrayant. Ah oui, il y a quelqu'un un jour qui m'a dit, tu le connais là, que on devrait créer un permis de scénariste à points. Et quand t'écris une merde, bah, tu perds des points. Bah, ce film-là, les mecs perdent leurs 12 points. Quoi. Et on leur retire de permis d'écrire, stage de réhabilitation et ainsi de suite, parce que ce n'est pas possible d'écrire ça. Oui, combien de fois les militaires vont nous faire ça? Ah oui, et la veto. Oh, il faut parler de la veto. Excusez-moi, dernier point. La veto qui dit au début, là, Swanson est plutôt pas mal, elle fait du télémarketing, elle fait non, mais moi je suis une veto de dinosaure. Et tout, c'est ma vie. Elle arrive dans le parc, elle envoie un, elle fait ah, c'est la première fois que j'en vois un. Oui, elle le dit, même dans la salle de télévision. Comment tu as passé ton diplôme? Comment? Tu es dans un monde où les dinosaures existent. Mais oui, mais justement. Mais oui, non, mais ça n'a pas c'est de ça. Sens. En plus, elle dit c'est la première fois que j'en vois un. Le parc a ouvert pendant 5 ans. T'as pas pu y aller une fois. C'est comme si j'habite. Elle a pas été prise pour son stage. Non mais c'est comme si j'habite un vétérinaire chez moi. Il me fait ah, c'est la première fois que je vois un chat, dis donc. Mais ça a des poils, c'est doux, donc je peux le toucher. Oula, il monte sur moi. Qu'est-ce que je fais? Non mais c'est pas crédible. Et le volcan. Quoi. On peut parler du volcan. Ah, Pratt qui évite qui la lave. Plus vite que la lave. Ouais. Non, mais et la nuée ardente. Donc il est sauvé. Et genre la fumée, non? La fumée, ça tue. Mais ils sont tous morts avec la lave. Pas tout en même temps. On parle de menace totalement désamorcée. C'est que enfin quand il y a une éruption, t'es étouffé au moins par ben non il slalome, il y a de ça saute de partout. Oui, mais ça c'est de l'action. Oui, non, mais surtout sur l'île, justement le volcan qui quand même c'est une île où il y a donc plein de dinosaures, où il y a ce volcan, il est pas du tout surveillé a priori. Non mais il va entrer en éruption, en plus il entre en éruption. Il devrait y avoir des journalistes partout. Quelle est cette idée de plan de dire on va les sauver, mais vraiment attention vite parce que il rentre en éruption dans à peu près 14 secondes. Mission avortée, excusez-moi, trop tard. C'est encore c'est une critique que j'ai entendu beaucoup sur internet qui disait putain mais quelle idée à la con de mettre le parc là. Ils l'ont mis à 20 ans, tu peux pas, enfin je suis pas vulcanologue. Moi, je dis juste que si tu sens que le volcan et tu sais a priori quand est-ce que justement c'est le dernier moment pété, tu peux aller travailler avant quand même. Ouais, et dernière incohérence, justement quand il y a la scène avec Larousse et le petit stagiaire en informatique. Larousse, c'est qui? C'est la copine. Ah d'accord. Sa copine, j'ai oublié son nom. On parle de l'enfant. Non. Et ils sont coincés dans le clair. Ils sont coincés dans l'espèce de petit cagibi, enfin dans l'espèce de salle. Et puis il y a de la lave qui coule, qui les sépare du dinosaure. Ils montent sur le toit. Où est la lave? Si ça coulait, c'est bien qu'il y avait de la lave sur le toit. Où est la lave? Non, il y a que moi que ça a choqué. Bon, très bien. Non, allez, on arrête là pour ce film. Dernier tour, Fiona. Bah, ils ont toujours de la chance que les dinosaures mangent le pantalon et pas le pied. avec cette immense mâchoire. Vraiment, ils ont de la chance qu'il soit bilingue. Ok, remix. Ouais, grosse déception. Vraiment très, très déçue. Un espèce de Disney chez les dinosaures. Et, très bien. Voilà. Sarah. Oui, pareil, je trouvais ça vraiment dommage. Et surtout, arrêtez d'emmener vos enfants de 2 ans voir Jurassic World. Oui. Oui, parce que nous, quand on y allait avec vous tous, il y avait quand même un enfant de 1 an et demi, 2 ans à côté. Mais je pense que c'est le traumatisme de sa vie. Donc n'y allez pas et n'emmenez pas vos enfants. Très bien. Le message Claire. Du film, c'est laissez les dinosaures tranquilles. Ben, j'ai envie de dire ça au producteur. Écoutez, moi, j'ai trouvé ça absolument catastrophique. Je me tâte, je me demande si c'est pas le pire film de l'année. Non, il y a eu pire. Il y a eu Call Me By Your Name, faut pas déconner. Mais. Ok. Non, il y a eu Red Sparrow. Oh non, non, non. On va pas refaire tout le paramètre. On va pas refaire. On fera un top à la fin. Ok, on enchaîne avec L'extraordinaire voyage du fakir, écrit par Luc Bossi et Romain Puertolas. Et c'est basé sur le roman de ce même Romain Puertolas qui a donc participé à l'adaptation de son propre scénario, si c'est pas un rêve, tout ça. Et c'est Sarah qui nous le pitch. Alors, c'est l'histoire de Aja qui vit seule avec sa mère dans un petit village en Inde et qui découvre un jour le catalogue Ikea. Pour lequel il va nourrir une passion sans borne. Il décide de devenir riche pour pouvoir s'acheter toutes les billes, les bureaux, les tables, etc. qui ornent d'ailleurs cet appartement. Et pour devenir riche en Inde, il n'y a pas 36 solutions. Aja devient un faux fakir et se met à voler les touristes. Donc là, ça dégénère, sa mère meurt. Il se fait tabasser par les parrains du quartier. Il décide donc d'accomplir le rêve de sa mère et d'aller à Paris. Donc il y arrive, on ne sait pas trop comment, avec un faux billet de 100€, avec lequel il parvient aussi à arnaquer Gérard Jugnot qui lui fait le taxi de l'aéroport. Et Aja arrive enfin à Paris, mais il ne va pas direct à la Tour Eiffel, comme on aurait pu le croire vu qu'il cherche son père qui lui a dit qu'il le retrouverait à la Tour Eiffel, car son père est français, on vient de l'apprendre juste avant qu'il parte. Il va, je vous le donne en mille, à Ikea, où il tombe sur Marie, la femme de sa vie. Donc il la séduit à la cafette Ikea, il obtient un deuxième rencard, mais c'est là que le film démarre réellement, c'est qu'il se fait embarquer par erreur alors qu'il avait décidé de passer la nuit dans une armoire Ikea pour l'Angleterre. Donc à partir de là, tout le monde le prend pour un migrant et il commence à regretter sérieusement son enfance pauvre en Inde. La question du film, c'est désormais, Aja parviendra-t-il à retrouver Paris et à retrouver Marie ? Oui, oui. Fiona ? Je pense que faire des fables à la Amélie Poulain n'est pas à la portée de tout le monde. Bam, ça c'est fait. En fait, je vois ce qu'ils ont essayé de faire. Y a des jolis sentiments, ce côté un peu magique où on essaie de dire que c'est pas grave s'il y a plein de Deus. Pour le coup, c'est un film dont le principe est de faire des Deus ex machina, des sauts comme ça dans le temps, des situations les plus improbables les unes après les autres. C'est un peu le principe du film, mais et qu'on essaie de maquiller et de faire accepter aux spectateurs par de la beauté et de la féerie presque. Et ben non, moi je suis restée très extérieure à ça, je me suis dit ouh c'est mignonné et dès que je suis sortie de la salle et plus j'y pensais, plus je me suis dit bah non vraiment Non mais c'est exactement, je suis d'accord avec toi. Plus j'y pense c'est non quoi, ça ne marche pas. Non mais ce genre de scénario est tellement improbable qu'ils sont obligés de nous mettre vraiment, de nous gaver comme une oie, disant oui mais c'est le destin. Mais là où ça marchait dans Amélie Poulain et surtout dans Small Dog Millionnaire, c'était dans Small Dog Millionnaire, ça marchait extrêmement bien parce qu'ils avaient fait une construction qui revenait derrière en disant oui c'est mon destin et je vais vous expliquer comment je suis arrivé là. Là c'est Deus en disant oui mais c'est son destin, c'est la magie, c'est l'amour, vous inquiétez pas, c'est de plus en plus improbable. Je vais rencontrer des gens qui sont prêts à payer une chemise 100 000€, mais ne vous posez pas trop de questions, c'est comme ça quoi. Oui Armand. Ah non, pas du tout. Rien. Tu as cru que j'allais dire quelque chose. Mais oui. Non, je pensais à Forrest Gump et j'essayais de comprendre qu'est-ce qui faisait que dans Forrest Gump ça fonctionnait. Ce destin en fait où en fait tu as un personnage qui traverse tout un crédible, tas de péripéties. En fait, tout simplement, je pense. Forrest Gump, crédible, j'irais pas jusque là. Non, pas crédible, mais là en fait c'est vraiment en situation. Bah, c'est le voyage extraordinaire du fakir. Chaque scène est extraordinaire, vraiment. Et du coup, ben, à force de mettre du extraordinaire sur de l'extraordinaire sur de l'extraordinaire, ben, tout devient ordinaire et t'y crois plus. Oui, Armand. En fait, je crois que je comprends ce qui fonctionne. En fait, ce qui fonctionne même pas pour moi dans le fakir, c'est qu'on n'a pas affaire à quelqu'un qui a une véritable particularité. Il n'a pas un véritable point de vue sur le monde. Ce qui est intéressant dans Forrest Gump, c'est que c'est un Candide. C'est vraiment le Candide de Voltaire. Et c'est quelqu'un qui plongeait dans son monde américain complètement absurde. Il nous met face en fait à nos incohérences, aux absurdités de la vie, et en fait par son point de vue et par sa personnalité unique, il renverse en fait tous les événements qui traversent, et du coup c'est pertinent, alors que là bon bah on a quelqu'un qui est pas spécialement naïf. Oui, si, ils essayent un petit peu quand il est en Angleterre chez les migrants, et que tu vois comment ça se passe, et que le mec dit il se renvoie, peu importe d'où ils viennent, et ben hop, je vais tous vous envoyer, je crois qu'il les envoie en Espagne, je sais plus, ils cherchent même pas à savoir. Il y a cette scène où la douanière dit mais est-ce que quelqu'un vient d'Espagne. On voit qu'il y a une espèce d'absurdité, parce que je crois que le mec qui a écrit ce roman était douanier en fait, donc il était vraiment, il baignait là-dedans, et il devait voir toute l'absurdité des pays qui se renvoient les migrants parce qu'ils savent pas quoi en faire. C'est un problème que tous les pays occidentaux et riches ont, on ne sait pas quoi faire de ces gens-là, donc on se les refait les uns après les autres. Là-dessus il y a ça. C'est la partie intéressante du film. Oui. T'as aimé la danse là où le douanier se met à danser ? C'était osé. J'ai pas aimé, mais c'était osé. Non, c'est dans la tradition du Bollywood. Absolument. En fait, je pense qu'il faut se poser la question de quel est l'objectif dessus. Non, mais c'est vrai. C'est-à-dire, parce que moi, je trouve que c'est profondément sympathique. Oui, c'est sympathique, c'est gentil. C'est-à-dire, tu ne peux pas dire. C'est vraiment des bons sentiments. T'as l'impression que tu pourrais complètement emmener tes enfants voir ce film et qu'ils s'amuseraient beaucoup parce qu'il y a plein de couleurs, que les personnages sont hauts en couleur et très caricaturaux, il faut le dire aussi. Et qu'il y a des chansons, on s'amuse. En fait, le film paraît long alors qu'il ne l'est pas. Donc ça c'est peut-être un souci, mais en tout cas on a l'impression de traverser plein de pays, il y a un côté voyage initiatique. Après je suis totalement d'accord avec vous, le problème c'est qu'il y a des deus permanents qui sont justifiés par une voix off qui dit il faut croire au karma, et le karma à chaque fois le sauve de situations pas possibles. Après sur le film, moi je trouve que y a des moments que j'ai bien aimés, les danses etc, moi je trouve que c'est toujours c'est agréable, c'est drôle etc. Après je trouve ça dommage que l'histoire d'amour à nouveau soit si peu traitée, c'est-à-dire qu'on a l'impression que l'histoire qu'il a avec Bérénice Bejo qui joue une actrice insupportable, qui joue son propre rôle, c'est ça, et en fait plus intéressante et d'ailleurs plus longue que l'histoire qu'il a avec cette Marie qui rencontre, qui séduit en deux minutes, c'est qui se dit ça y est, c'est la femme de ma vie, qu'il essaye de retrouver ensuite, mais en fait l'histoire n'est pas du tout suivie. Et d'ailleurs, vous rendez compte, le héros abandonne toujours ses objectifs. C'est peut-être pour ça qu'on le suit pas. C'est qu'il veut voir son père. Ah, en fait, non, je vais aller à Ikea. Ikea, il rencontre Marie. Ah, je veux voir Marie, etc. Et à la fin, il peut la retrouver. Il est à nouveau à Paris. Et finalement, il se dit ah, oh, bah non, elle a un autre mec. Ah, bah oui, c'est bon. Bah oui, sa coloc d'info lui dit, enfin, bisexuel, enfin, il y a une espèce de fausse histoire, elle croit qu'elle est homosexuelle et tout. Mais d'ailleurs, pourquoi est-ce qu'il l'appelle pas avant ? Il l'appelle alors qu'il est en train de mourir sur une montgolfière. Il avait son numéro depuis le début. Mais il n'avait pas de téléphone. Il est seulement marqué là. Enfin, d'où il y a un téléphone où il peut capter sur une montgolfière. Il avait quand même plus de possibilités de trouver. Non, mais là, il nous dit justement qu'il vient de remarquer seulement maintenant qu'il y avait le numéro sur le téléphone. Un peu tard, quoi. Ah oui, non, mais c'est le scénario. C'est le karma. Mais attends, excuse-moi, quand tu vois une fille aussi mignonne que ça, moi je comprends que tu abandonnes les cendres de ta mère. Hein. Excuse-moi, elle est magnifique cette fille. Oui, Fiona. C'est pour ça que je crois que ça m'a. Je suis passée de la sympathie à l'agacement assez vite sur ce film parce que je trouve tout superficiel, tout forcé. Justement, typiquement, le personnage de la colocataire de Marie qui dit avec sa mini intrigue de je pourrais devenir lesbienne alors que j'aime les hommes. Pourquoi c'est vraiment le gag. Elle, il faut lui mettre quelque chose. Oui, c'était ça. Il y a quelque chose qui est pas fluide. Il y a quelque chose qui est pas organique et ça prend pas. Voilà. En fait, j'ai l'impression qu'on essaie de me forcer à. On m'ouvre la bouche et on met un entonnoir pour bouffer du bon sentiment. Oui, c'est exactement ce que j'ai dit au début, si tu te souviens. Mais après, on avait pas besoin d'avoir le point de vue de Marie et de sa coloc en fait. Parce que c'est l'histoire du fakir, je sais pas pourquoi. Déjà qu'on la voit pas beaucoup, Marie. Si en plus on la voyait pas de son côté, on aurait aucune empathie pour ce couple, on n'aurait pas envie qu'ils soient ensemble. Donc heureusement qu'on la voit. Non, mais ça peut la rester sur sa névrose à lui, de dire je l'ai rencontrée, c'est la femme de ma vie, j'y crois. Et là, il faut arrêter. Le problème, c'est qu'est-ce que ça raconte ce film ? Enfin, qu'est-ce qu'il apprend le fakir ? Ça raconte que t'en fais pas, le karma va t'aider à un moment ou à un autre. Que si tu crois suffisamment à la chance viendra à toi. J'ai un peu l'impression que c'est ça. Oui, mais là, typiquement en termes de scénario. Le côté où Marie qui rencontre quelqu'un d'autre, un Américain et tout, ça c'est depuis mais alors 10 ans maintenant, pour expliquer comme pourquoi le love interest du personnage ne va pas être avec son nouveau mec, c'est parce qu'il est chiant. On dirait que c'est le nouveau Eldorado, l'inverse Eldorado, c'est plus il me frappe, il me trompe, non, il est chiant. Maintenant c'est devenu, mais arrêtez avec vos mecs chiants, qu'on en a marre de voir ça, c'est pas si grave que ça un mec chiant. Et elle est pas amoureuse surtout. Ouais, amoureuse, oui, mais elle est pas amoureuse parce qu'il est chiant. Oui. Voilà. Non, à la limite, ça c'est peut-être plus crédible que justement de dire cette nana, pourquoi elle se met avec un mec qui la tape, elle se met avec un mec qui est gentil, etc., mais qui l'intéresse pas, donc elle est pas amoureuse. Ça me dérange pas. Oui, mais elle est pas amoureuse parce qu'il est chiant. Il nous explique ça pour ça, pour que nous on comprenne. C'est le raccourci, oui, qui est paresseux. C'est un raccourci que tout le monde fait. Parce qu'il y a plein de manières d'expliquer de montrer qu'elle n'est pas amoureuse, et c'est le plus simple, effectivement. Exactement. De nos jours, c'est ce qui fonctionne. Alors qu'il dit, oui, il est parfait, il est grand, beau, intelligent, américain. Et surtout, personne ne se pose la question. de pourquoi est-ce qu'on envoie une armoire IKEA en Angleterre. Genre, il y a des IKEA en Angleterre, pourquoi c'est 7 armoires? Et pourquoi une seule? Et construite déjà, pourquoi elle n'est pas dans son carton? Parce que c'est le karma, Armand. Oh. Mais c'est, en fait, c'est ça le problème. C'est que le message du film, effectivement, est sûrement fait confiance à la chance. Ah oui. Mais du coup, pour un scénario... Enfin, c'est un peu gênant, ça veut dire que tout est basé sur la chance dans le scénario. Ah ben, le scénario est basé là-dessus. C'est-à-dire qu'on a le droit de faire ce qu'on veut. Voilà, qui est l'anti-scénario, du coup. Ouais, donc, on est coincé. Oui, mais Slumdog Millionaire était un peu construit comme ça aussi. Non, alors Slumdog Millionaire, justement, c'est intéressant de comparer parce qu'il y a des points communs. Quoi. Dès qu'il y a des Indiens, ouais, c'est la même chose. Hein. Bravo. Non, mais c'est la même trajectoire. Enfin, tu vois, il vient d'un village pauvre et il devient millionnaire. Bon, le fakir, on ne sait pas trop ce qu'il devient, mais si, il devient riche finalement, puisqu'il vend sa chemise à 100 000 euros. Bon, après, il se fait voler sa thune. Tout son mais argent, non, il ne se fait pas voler sa thune. Il devient pas riche. En tout cas, dans Slumdog Millionnaire, il y a une construction en fait scénaristique beaucoup plus forte. C'est-à-dire, dès le début, déjà t'as un flash forward qui te tease en te disant comment ça se fait qu'un petit slumdog ait eu toutes les réponses bonnes à qui veut gagner des millions. Ou alors on commence par un flashback. Oui. Bref. Et on te dit qu'en fait, parce qu'il connaissait toutes les réponses. Oui. Et on te montre, et c'est super intéressant, comment à chaque fois il s'est retrouvé dans une situation où il a rencontré une personne qui a fait qu'il a eu la réponse à cette question. Et qu'en fait, le trajectoire de sa vie, par la chance ou par le karma, oui, mais ça a fait reste que. Ouais, mais c'est, en gros, c'est mieux construit. Là, la construction, j'ai l'impression que la différence, c'est que Slumdog, le présupposé du film, on commence avec. Il a eu de la chance, il a eu le destin. On commence avec ça. Là, avec le fakir, j'ai presque l'impression que c'est le message de fin. On arrive à la chance. Et je sais pas si ça peut jouer. Non, il y a de la chance dans tout le film. Hein. C'est vrai. Non, c'est vrai. En fait, non, j'ai dit de la merde. Excusez-moi. Oui, Armand. J'aurais aimé, en fait, j'aurais adhéré à cette histoire de destin, de karma, si, en fait, ça avait été vraiment utile. Si vraiment on sentait qu'il y avait une force supérieure qui lui disait: attends, tu vas pas rencontrer l'amour de ta vie tout de suite. Enfin, tu vas pas la voir. Tu vas pas être réuni avec elle. Tu vas d'abord vivre cette épreuve qui va t'apprendre quelque chose que tu n'as pas ou qui va te montrer que tu te trompes sur la vie. Et le problème, c'est qu'on ne sait pas exactement ce que c'est. Est-ce que c'est tu ne dois pas poursuivre le but vain de l'argent jusqu'à la fin de ta vie? Est-ce que c'est tu dois transmettre aux enfants l'éducation? Est-ce que c'est tu dois aider tes frères migrants qui, eux, ne sont pas migrants volontaires? Enfin, qui, eux, n'ont pas de chance. Et qui, eux, n'ont pas de chance. Et du coup, est-ce que la réponse à leur problème, c'est de leur filer de la thune? Bon, là, ah oui. Bah, clairement, oui. Là, oui, évidemment. Mais du coup, en fait, il n'y a pas de réel choix, en fait, sur la fable, en fait. Puisque c'est une fable. Claire, une question. Tu n'as pas vu le film. Oui, j'ai pas vu le film, mais je me permets de rebondir sur Slumdog. En fait, ce qui marche aussi, c'est que pour en arriver là, il en a bavé. Et là, quand vous en parlez, on a l'impression que lui, tout est facile pour lui, tout est mâché. Même quand il en bave, on va dire ça va. Mais putain, il se fait quand même tabasser à plusieurs reprises dans le film. Mais on a l'impression que ça passe un peu sur le traitement. Mais le traitement, pas tout en même temps. Armand. Et oui, c'est ça. C'est au tout début, justement. Il a son projet. Il dit: bon, bah, j'y vais. Je prends la thune que je peux. Sauf que, bim, scène d'après, il se fait tabasser. On lui vole le peu qu'il a. Et puis, je sais plus, c'est pas qu'il a plus de passeport, mais tu te dis: ah ouais, il va s'en prendre plein la gueule. Et en fait, non, il dit: c'est bon, j'ai un faux billet de 100 euros, j'y vais. Et puis, il se regarde dans le miroir et il a une petite trace au-dessus de la pommette que j'aurais pu faire moi-même avec du rouge à lèvres de ma copine. Et il se dit: c'est bon, ça va. Alors que le mec, il le défonce la scène d'avant. Tu te dis: il va à l'hosto direct. Ah, mais ils l'ont frappé, dans les côtes. Merci le karma. Il a de la chance. Il a de la chance. Oui, mais c'est parce qu'il voulait tellement rendre le personnage sympathique qu'ils se sont dit: il ne peut pas venir à Paris avec de l'argent volé. Donc on va lui enlever. Il a eu une mauvaise idée de prendre le volé, mais ouais, on va le rattraper. Faut pas qu'il arrive là-bas, il faut pas qu'il drague Marie en ayant volé. D'ailleurs, c'est un peu vrai parce que même il vole, enfin, il arnaque. Il arnaque taxi. Qui l'a arnaqué. C'est ça. Il n'est pas méchant, méchant. Exactement. D'ailleurs, un mot pour la carrière de Gérard Jugnot qui s'est éteint devant nous pendant ce film. Et alors, un dernier mot. Moi, je l'ai trouvé tout à fait supportable, Gérard Jugnot, dans ce film. Attends, c'était dur, quand même. Franchement, non, je trouve même qu'il a bien travaillé son accent anglais, parce que je l'ai entendu il y a quelques années, c'était pas ça du tout. Vraiment pas. Alors, je retire ce que j'ai dit. Franchement, Alors, attends, un dernier mot sur ce film, quand même, parce que le film nous est raconté, comme un flashback aussi, parce qu'il est devant trois gosses qui, visiblement, tournent mal. Ça sert à rien. Mais en quoi le fait de raconter cette histoire te dit: ah ouais, je vais aller à l'école? Bah non, ça donne envie de voyager. Je me dis: ah bah, je vais avoir de la chance moi aussi. Je vais aller au premier Ikea qui me trouve, je vais rentrer dans une armoire et il va m'arriver plein d'aventures. En quoi raconter cette histoire convainc les trois gosses qui sont trois petits délinquants de dire: ah ouais, c'est bon, j'ai tout compris. Merci Fakir. Je vais aller à l'école et je vais étudier. D'où? Quand? Au début, c'est ne vole pas. Oui, vraiment. Et après, c'est. J'en sais rien du tout. Mais c'est vrai que peut-être ça aurait pu un peu plus marcher si c'était quelqu'un qui avait peur de quitter son petit quartier. d'Inde, qui disait non, j'ai peur de ce qui peut m'arriver à l'extérieur, et qui dit il va t'arriver plein de choses, mais ça va être super. Enfin, mais oui, alors que ça n'a rien à voir. Même tes merdes vont t'apporter une richesse intérieure. Non, mais ça pourrait être ça le message du film. Je pense que c'est un voyage, et le voyage tu construis, et le voyage, c'est ça qui te rend riche. Mais malheureusement, ils ne l'ont pas tourné comme ça. Non, allez, on arrête sur ce film. Tour final, Fiona. Il faut être bon pour faire des bons sentiments. Ouais, ok, Armand. Malgré des idées très créatives et beaucoup d'esprit bon enfant qui pourrait être salué, malheureusement, je me suis ennuyé. Ok, Sarah. Moi, je trouve que c'est la meilleure pub pour Ikea que j'ai jamais vue. Mieux que le catalogue, tu veux dire. C'est vrai. Mais écoute, moi, j'ai trouvé ça gentil. Et un mot quand même pour Bérénice Bejo, que je me suis dit, oh là, elle est venue pour Cashton et tout. Mais la scène de danse, c'est plutôt pas mal. Et je me dis, ah oui. Et non, la scène de drague aussi, entre Marie et le fakir à Ikea. J'ai trouvé tendre, j'ai trouvé mignonnette. Elle était plutôt bien trouvée. C'est non, ton côté fleur bleue. Voilà, il y a des jolies scènes, mais le tout n'est pas cohérent, enfin, ne fonctionne pas. On finit avec Opération Beyrouth, écrit par Tony Gilroy, à qui on doit la trilogie Jason Bourne. En fait, c'est Jason Bourne sans l'action, Opération Beyrouth. Et c'est Armand qui nous le pitch. C'est mon premier pitch, je vous demande de l'indulgence, je vais un peu le lire malheureusement. Beyrouth, 1972. Juste avant la guerre du Liban, un diplomate américain, Mason Skiles, organise une réception avec sa femme Nadia, qui est jouée par Leila Bekti, si je me souviens bien, et Karim, un orphelin palestinien de 13 ans qu'il compte adopter. Pourquoi pas ? Né Cal Riley, agent de la CIA et meilleur ami de Mason, lui annonce que Karim pourrait être de mèche avec des terroristes. Mason refuse de livrer Karim à la CIA en l'absence de preuves. Mais avant qu'il ait pu l'interroger, des terroristes font irruption dans l'ambassade pour exfiltrer le petit Karim. C'est un massacre et la femme de Skiles est tuée par une balle perdue à cause d'une intervention ratée de Cal, le meilleur ami. Vous suivez, c'est bon ? Ok. 1982, 10 ans plus tard, Mason habite à Boston et il a sombré dans l'alcool, c'est normal, puisqu'il a perdu sa femme, son fils adoptif et qu'il est médiateur d'entreprise. Alors, médiateur d'entreprise, c'est vraiment façon pris entre deux feux, entre CGT et PME, avec des insultes syndicales ultra imagées. Meilleure scène du film, je me dis, ah tiens, Opération Beyrouth est une comédie satirique. Et non, il est recontacté par Sandy, agent de la CIA, qui est joué par Rosamund Pike. À Beyrouth, des Palestiniens ont kidnappé Cal, le meilleur ami. Après une hésitation de à peu près une scène, Skiles retourne au Liban, ravagé par la guerre. Il va tenter, avec l'aide de Sandy, de négocier la libération de son ex-meilleur ami. Mais il découvre que le chef des terroristes n'est autre que le petit Karim, qui est maintenant grand, et qui demande en échange de Cal la libération de son frère Rafik Abu Rajal, un des artisans de Munich. Et voilà. Et en fait, j'avais envie de terminer avec la phrase qui avait été dite sur Allociné, mais je trouve que ça fonctionne pas du tout. Ça dit « Mason prend conscience que chaque force en présence, Tsahal, gouvernement américain et OLP, cherche à servir ses propres intérêts. » Le truc, c'est qu'il le sait déjà depuis le début du film, et nous aussi, et personne n'est surpris. T'as des trucs en plein pitch, pardon. C'est moche. Mais oui, attends, juste pour revenir aussi sur la scène où tu dis « il hésite », oui. C'est vrai. Mais en termes de scénario, c'est la scène classique de résistance. Et là au moins, il y a un mec qui lui dit « Non, mais en gros, t'as pas le choix, c'est AI et tout. » Pour revenir sur Jurassic Park, si vous oubliez comment Chris Pratt, il dit « Non, non, j'y retournerai pas », il arrive à se convaincre tout seul en regardant une vidéo. Là, au moins, il y a quelqu'un qui lui dit « Il y a déjà un passeport, il y a une espèce... » Tu sens une force au-dessus de lui qui lui dit « Il faut que t'y ailles. » Mais il finit par y aller tout seul. Il finit par y aller tout seul, oui. Ben, justement, alors pour moi, tu mets le doigt sur le problème principal du film et tu comprends à ce moment-là que le film ne va pas marcher, c'est que cette scène de résistance n'en est pas une. Il a aucun moyen de... Enfin, il a aucune menace qui pèse contre lui. On ne comprend pas pourquoi il va retourner là-bas. Surtout que le Cal en question est plus ou moins... il le tient plus ou moins pour responsable de la mort de sa femme, et en même temps, non, mais pas trop, parce que c'était une balle perdue. Mais en fait, on ne comprend pas pourquoi il part. Surtout qu'à ce moment-là, il sait pas que c'est Cal. Mais j'ai une solution. Enfin, j'ai une hypothèse. J'adore quand on a des solutions. Quelque chose qui aurait, à mon sens, en tout cas, mieux marché, c'est que pourquoi on nous fait tenir la surprise jusqu'à ce qu'une fois qu'il est là-bas, tatin, le terroriste enlève son chèche et on découvre que c'est Karim. Non, en fait, il aurait dû le savoir avant de partir. Et ça, ça l'aura peut-être au moins motivé à partir en disant « Putain, ce gamin dont j'ai totalement perdu le contact tient en otage mon ex-meilleur ami. Bon bah j'y vais !» Mais au moins, ça donnait une espèce de motivation. Là, on ne comprend pas pourquoi il part. Non, mais oui, peut-être même que la seule motivation, c'était... Il ne sait pas à ce moment-là que c'est Cal qui est retenu en otage. Mm-hmm. Il pense que c'est juste un type. Enfin, il ne sait pas qui c'est. Donc peut-être qu'il aurait fallu que le « c'est Cal, l'otage » se passe à... C'est Boston, c'est ça ? Oui. Cette information, cette révélation se passe à Boston oui, mais pour c'est, qu'il y aille. C'est à ça que sert la scène d'entreprise où tu vois, il se dit, fais chier, tu vois, c'est comme dans le film Des Mineurs, où le mec il est rentré de ça et puis il fait les courses avec sa femme, il s'emmerde. Là, c'est la même chose, le mec, clairement, il se dit, ma vie, c'est alcoolique, c'est aller dans les séminaires d'entreprise, je peux pas tenir comme ça encore 15 ans, quoi. Il a tout et perdu à Beyrouth, oui. Sa femme. Maintenant, Beyrouth est en ruine. Ouais. T'as quelqu'un qui lui dit, hey, tu veux retourner à Beyrouth ? Ouais. Il y va. Ah non, il y va. Après, on lui dit. Et après, il dit oui. Oui, il dit jamais de la vie. Et après, il y va. Et sur place, on lui dit ah, au fait, enjeu de ouf, c'est ton meilleur ami, l'otage. Surprise. Ah ouais, ah bah ça change tout. Bah, du coup, je vais rester alors. Bah, ouais. Oui, il remix. Oui, et le fait que le preneur d'otage en question soit le petit Karim, ça n'apporte rien parce que leur relation n'est pas du tout creusée. Ce personnage-là de Karim, son seul objectif dans le film. C'est de retrouver son frère. Mais ça, on comprend. Oui, mais d'accord, mais c'est quand même un peu light qu'il ait un objectif. Ok, c'est très lisible, il veut retrouver son frère. Et c'est déjà dans les années, par rapport au pitch d'Armand, quand ils lui disent ah, le petit Karim, on le veut, c'est aussi parce que c'est le frère de machin, là. Machin, c'est Rafik. Un truc, je suis désolé. Mais oui, non, mais il faut dire, oui, Fiona. Non, tu veux dire quelque chose, non ? Oui, non, mais je voulais pas donner un avis plus global sur le film, parce qu'on était tout de suite dans les détails. Je trouve que c'était pas déplaisant, c'était un peu ennuyeux, mais si t'aimes les films de négociation, bah, c'est un film de négociation. Hein. Ah non, je trouve que c'est un mauvais film de négociation. Ouais, vrai, je suis pas fan des films de négociation, donc je me rends pas bien compte. Mais le vrai problème, oui. Pour moi, c'est que bah, tout se passe bien au final. Enfin, il est venu pour renégocier, il a négocié. Oh, quoi. Il se prend une bombe sur la gueule quand même. Ouais, mais ça, à la fin, même il le dit. Il dit ah, bah bravo, tout le monde a eu ce qu'il voulait. Ah oui, parce que c'est un film, on en reviendra sur la morale à la fin. Mais j'ai juste une question avant que je te donne la parole, Armand. À partir du moment où il y a marqué 10 ans plus tard, on a compris que le méchant, ça allait être le gamin. Oui, enfin, voilà, on le sait tout de suite. C'est pour ça qu'ils auraient pas dû jouer la surprise. Parce qu'on respecte nous, parce qu'on est scénariste, 10 ans plus tard. Ah, d'accord. Armand. Oui, en fait, non. Tony Gilroy, c'est le scénariste des Jason Bourne. Mm-hmm. Et il y a un souci que je retrouve dans les Jason Bourne, mais qui, effectivement, malheureusement, il n'y a pas l'action qu'il y a dans Jason Bourne pour pallier à ça. C'est qu'en fait, on a un héros qui n'a pas vraiment, effectivement, de faille, il n'a pas vraiment de problème, il n'a pas de. Et puis, qu'est-ce qu'il est beau quand même hein. Oui, non, mais moi je l'adore. Il boit mais ce que un je veux dire, c'est même. Que. Non, mais il boit, mais il a perdu sa femme. C'est pas de sa faute. La guerre a éclaté dans son ambassade, c'est pas vraiment de sa faute non plus. Il revient, il se fait un petit peu balader, et il se retrouve, ouais, encore une fois, pris entre deux feux. Pas qu'un peu baladé. Donc en fait, il a pas vraiment. Il a pas des masses de dilemmes. Son meilleur ami qui vient retrouver, qui est pourtant responsable de la mort de sa femme, bah, en fait, il lui a déjà pardonné, donc il a envie de le libérer. Oh, responsable. Et donc en fait, il n'y a pas de. Il est un peu nickel moralement du début à la fin et c'est le problème des Jason Bourne malheureusement même si c'est mieux fait dans les Jason Bourne t'as un mec un peu parfait du début à la fin c'est un américain il a pas de faille donc tu as du mal à le trouver humain et à être derrière lui mais Fiona sur le thème de la culpabilité j'ai l'impression qu'on l'effleure et j'ai pas bien saisi ce qu'on voulait nous dire parce que pour moi il avait quand même pardonné ou il avait fait en sorte que son meilleur ami se sentent pas trop mal vis-à-vis de ça. Il disait, non, mais ça, c'est la faute de tout le monde, c'est la faute de personne. Il lui a dit, au moment d'enterrer sa femme, enfin, au moment de partir dans l'avion pour enterrer sa femme. Donc, et après, il y a la femme de Cal qui lui reproche d'avoir reproché à Cal la mort de sa femme. Mais on l'a pas vu lui reprocher, on lui a pas vu. C'est Cal qui se le porte tout seul, cette culpabilité. Et on ne l'a pas vu. Il n'y est pour rien, mais il sonne là-dedans. Et on l'a même pas vu. Donc, effectivement, peut-être qu'une solution aurait pu être que si c'était de la faute de Mason que sa femme avait été tuée et que le gamin était embarqué, là il aurait une responsabilité terrible parce que bon, il a le poids de la mort de sa femme, mais en plus son fils adoptif qui a été arraché à lui à cause de lui a maintenant kidnappé son meilleur ami, son ancien meilleur ami. Là, on a un enjeu un peu plus fort. Mais c'est vrai que sinon, on reste à la surface de ce thème de la culpabilité. Et je ne sais vraiment pas ce qu'ils veulent nous dire avec ça. Oui, Armand, pour conclure. Non, en fait, c'était pour revenir sur ce que disait Fiona, c'est-à-dire que tu, en fait, on lui dit, je crois, 3 ou 4 fois dans le film, ah là là, il y a eu une guerre au Liban pendant que t'étais pas là, t'as manqué la bataille, mon pote. Il s'en est passé des trucs pendant que t'étais parti. Ouais. Bah, on a un peu cette impression-là. Non, c'est dit. Ouais, mais c'est pas grave, répéter le truc. De toute façon, faut qu'on arrête là. Et tour final sur ce film, Fiona. Je crois que le mot qui me vient vraiment, c'est beauf. Ok, Remix. J'ai l'impression qu'on a passé vraiment très peu de temps sur ce film. J'aurais eu tellement de choses à dire, mais oui, je suis d'accord avec Fiona sur cette thématique de la culpabilité très effleurée, très dommage. Tu pourras écrire des commentaires sur la page Facebook. Ouais. Armand, J'ai trouvé qu'il y avait des belles tentatives de nous faire comprendre ce que c'était que la négociation et le milieu de l'espionnage imbriqué avec celui des ambassadeurs. Mais malheureusement, ils ont passé pas assez de temps, je trouve, sur la structure pour nous faire aimer ce personnage. Ben, moi, je suis d'accord avec toi. Je pense que le film aurait dû être la négociation d'entreprise directement. Mais c'était la meilleure scène du film. J'espère. Ils disent, mais on négociera jamais. Les mecs se barrent et tout. Je suis waouh, conflit, tout ça. Ça marche pas bien. En fait, non. On termine avec les courez ou fuyez de la semaine, les recommandations ou les dérecommandations. Fiona, j'ai pas grand chose, du coup j'ai une recommandation un peu bizarre. Oui. Que je pars en cuisine avec Philippe Etchebest parce que c'est trop bien. Bah écoute, on regardera pas. Rumix. Bah moi j'ai pas de recommandation. Rien cette semaine. Armand, suspense. C'est une semi-recommandation. Ah, c'est bien. C'est bien. J'ai vu en fait le pilote de Transparent, 6 siècles après tout le monde, pardon. Uh-huh. Je suis encore partagé. Je trouve qu'il y a une tentative assez louable de nous emporter alors qu'on nous présente des enjeux très faibles et qu'en fait on ne nous présente pas vraiment d'enjeux, mais on nous présente des personnages tellement intéressants que ça donne quand même envie de voir le deuxième, donc la suite au prochain épisode. L'acteur joue tellement bien. Oui. Sarah, donc rien. Moi je suis allée voir une expo cette semaine à l'Atelier des Lumières rue Saint-Maur, qui était sur Klimt, Egon Schiele et Hundertwasser. Oui, on ne sait pas qui c'est, mais... Et ce sont des peintres de l'association viennoise pour les deux premiers. Des peintres qui peignent des peintures ? Totalement. Et ce qui est original, c'est que c'est quand même une espèce de vieil entrepôt. Et en fait, les lumières défilent. Enfin, c'est pas comme aller au musée et voir des tableaux. C'est immergé dans l'atmosphère avec une musique de valse de Vienne. Je le recommande, ça. C'est très beau. C'est où ? C'est rue Saint-Maur, je crois. À l'Atelier des Lumières, ça s'appelle. Okay. Merci, Sarah, pour ta recommandation. Parce que maintenant, moi et Cauchemar en cuisine, on fallait se rallier. Bah, c'est pas le même niveau, hein. Oui, Claire. Moi, je vais recommander une bande dessinée. Ça s'appelle « Ces jours qui disparaissent » de Timothée Le Boucher. Je l'ai recommandé à peu près tout le monde autour de moi. C'est l'histoire de Lupin, qui est un jeune homme un peu oisif et qui, du jour au lendemain, se rend compte qu'un jour sur deux, son corps est habité par une autre personnalité. Et donc, ils vont devoir cohabiter. C'est très, très... C'est une très bonne bande dessinée avec un... Comme les dinosaures et l'être humain. Exactement. Oui, excellent. La boucle est bouclée. Excellent. Et ben moi, je vais vous recommander non pas un jeu vidéo, mais le salon du jeu vidéo qui a eu lieu à Los Angeles le 3. Il y a eu des annonces super, j'aurais dû les noter. Celle que j'ai retenue quand même, c'est un jeu, les mecs qui ont fait CD Projekt, les mecs qui ont fait The Witcher. C'est le prochain jeu, c'est incroyable, ça s'appelle Cyberpunk 2077. On ne sait pas encore quand ça va sortir, mais ça a l'air oufissime. Et surtout, il y a eu l'annonce de l'E3, il y a eu The Elder Scrolls 6, c'est-à-dire la suite de Skyrim que tout le monde attend depuis 7 ans, qui va sortir un jour, parce qu'on a juste vu un trailer avec 2-3 montagnes, mais rien que ça a fait tremper la culotte de tout le monde. Ça va être génial et j'ai hâte d'y jouer d'ici 2021 ou 2022, donc j'aurai le temps de vous en reparler. On vous remercie de nous avoir écoutés et n'hésitez pas à liker, à partager, en soirée piquer les téléphones de vos copains et puis abonnez-vous à C'est quoi le pitch pour nous rendre hommage, et puis on se dit à dans 2 semaines.